Vous écoutez? La croche-oreille. Salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL 89.1 sur le poste et à ckrl.qc.ca sur la toile. Gaëtan Gosselin au microphone, heureux de vous retrouver depuis les studios de CKRL dans le quartier Limoilou à Québec. Je vous propose ce soir trois albums, trois démarches musicales et sonores à l'enseigne des musiques d'improvisation. Bien que l'origine des musiques d'improvisation serait, dit-on, aussi ancienne que l'humanité, elles vont prendre de l'essor avec l'invention de la basse continue des musiques baroques il y a tout de même plusieurs années, et par la suite sous l'influence du jazz et de l'improvisation libre des années 1960. Je résume évidemment à outrance ce cheminement. Le Québec ne sera pas en reste avec de solides initiatives au début des années 70 sous la gouverne de quelques avant-gardistes, pour citer le quatuor de jazz libre et l'atelier de musique expérimentale, entre autres. Dans la documentation relative à l'originalité de l'improvisation, je retiens deux choses. Un, que l'improvisation est une forme artistique libérée des structures formelles ou académiques de la musique. Et deux, que sa pratique récente est souvent liée, ça, c'est un phénomène très intéressant, lié à des mouvements sociaux d'émancipation. Donc, à titre d'exemple, on raconte que le free jazz et la free music sont historiquement liés aux luttes pour les droits civiques aux États-Unis, aux mouvements anti-guerre et aux revendications féministes des années 60. Dans un bouquin portant sur les pionniers de l'improvisation au Québec, ça s'intitule d'ailleurs « Mon pays, c'est la musique », le journaliste John Gilmore souligne le parallélisme de l'émergence des musiques d'improvisation au Québec avec les mouvements d'émancipation politique, bon, citant la crise d'octobre, le mouvement indépendantiste et la lutte syndicale. C'est un bouquin très intéressant dont je mettrai la référence sur le site de La Croche-Oreille. Cela dit, je débute la soirée avec un projet publié par le label québécois Tour de bras, un projet intitulé Psychedelic Jelly. C'est mené par le collectif Toc et la saxophoniste Paulina Ozarek. Je vais directement dans les notes d'accompagnement. Le trio élabore une musique en strates désynchronisée, un millefeuille d'énergie brute où les rythmes sont à la fois suggérés et explicites. Fin de la citation. On écoute ensemble l'extrait d'une création longue intitulée « Éponge harpe ». C'est une création improvisée par la Polonaise Paulina Ozarek au saxophone alto. Elle est accompagnée du collectif Toc, formé de Jérémy Ternois au Fender Rhodes, Ivan Cruz à la guitare et Peter Orin aux percussions. Thank you. Thank you. On vient d'entendre Paulina Ozarek et le trio Ternois, Cruz et Orin, une création tirée du projet intitulé « Gelée psychédélique ». Et on retrouve ça sur le label Tour de bras. Dans une perspective musicale qui est assez parente, je vous fais entendre maintenant un titre tiré d'un très bel album d'un trio américain formé de Stephen Robinson, dit Ye Big, de John Byler Dan et de Tatsuya Nakatani. Bon, l'album s'intitule To Lower the Fever of Feeling, dont je vous propose un premier titre avant la pause. Ça s'intitule Fever numéro 3, c'est l'extrait d'une longue pièce qui fait une trentaine de minutes et qui, parmi toutes ces pièces, cherche à faire baisser la fièvre des sentiments, traduction libre du titre de l'album. Alors, on écoute ça. We'll be right back. Voilà ce qui complète la première demi de l'émission. On poursuit l'écoute du trio Big Baludan et Nakatani en seconde demi. Alors voilà, vous écoutez La Croche-Oreille sur CKRL 89.1. À tout de suite. CKRL 89.1. Vous écoutez La Croche-Oreille. On est de retour, c'est La Croche-Oreille avec vous jusqu'à 22h. Je vous rappelle que vous retrouverez les pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille. Je vous propose ce soir une sélection de musique improvisée réunissant des artistes d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Ces musiques improvisées qui ont pris un grand essor au cours du 20e siècle, renouvelées notamment par le free jazz, la culture hip-hop et ce qu'on nomme de nos jours la bohème militante, tout ça lié aux mouvements altermondialistes, aux organisations sociales féministes et autogérées. Où dit-on, dans la revue Kern, entre autres, que le musicien improvisateur agit toujours ou presque en artiste militant. Et là-dessus, le meilleur exemple dans cette veine militante de l'improvisation pour le Québec, comme exemple, ce serait sans doute le collectif Super Musique, collectif de femmes, ou encore le travail de Sylvie Chonard, artiste qui travaille sur un projet d'envergure depuis plusieurs années qui s'appelle le projet de la baleine. Cela dit, j'enchaîne la suite de cet album intitulé « To Lower the Fever of Feeling » que je traduis librement par pour faire baisser la fièvre des sentiments. Un titre inspiré, disent-ils, d'une strophe de Fernando Pessoa qu'on retrouve dans un livre, dans son livre, de l'intranquillité et qui se présente comme suit, j'ouvre les guillemets, j'écris ce que je ressens pour faire baisser la fièvre des sentiments. C'est Pessoa. C'est cette réflexion de Pessoa qui a regroupé les trois gars. Stephen Robinson, dit Ye Big, à la clarinette basse, John Baludan à la contrebasse et Tatsuya Nakatani aux percussions. Pour vous parler du reste, je puise directement dans le propos d'accompagnement de ce bel album. Sur cet enregistrement, dit-on, la clarinette basse de Robinson est véritablement fiévreuse, incandescente, presque maladive. Les percussions de Nakatani se propagent comme un virus, les sonorités contaminant toutes et tous. Dans cette métaphore, le corps est maintenu en un seul morceau par Baludan, sa basse assurant le lien qui permet au sang, au souffle et au rythme de rester intact. Je referme les guillemets. Très bel album, beaucoup d'inspiration. On écoute un enchaînement des créations intitulées Fever 1 et Fever 2. C'est du collectif formé par Ye Big, John Baludan et Tatsuya Nakatani. On écoute ça. Thank you.

Très beau travail d'impro que ce collectif formé de Yebig, John Barledan et Tatsuya Nakatani, sous l'intitulé visant à faire baisser la fièvre des sentiments. Alors, pour clore la soirée en beauté improvisée, je vous propose cette fois le projet d'une collaboration en duo qui a pris pour intitulé Rêve sonore au pluriel, projet qui réunit depuis une dizaine d'années les artistes et musiciens Nick Schofield et Stéphane Christophe, que je salue en passant. Le concept de rêve sonore, raconte-t-il, repose sur l'idée d'un dialogue musical permettant à l'improvisation d'interagir avec des compositions classiques ou contemporaines associées à de l'expérimentation électronique. Il nous présente ce soir un album intitulé Crépuscule. C'est un album qui émerge, disent-ils, des ténèbres pour constituer un poème sonore. Et là, je puise encore dans le narratif des créateurs. Enregistré et assemblé au fil de plusieurs sessions, Crépuscule est une œuvre composite évoquant une déambulation nocturne dans le légendaire jardin du crépuscule. C'est situé dans le quartier Myland à Montréal. Schofield et Christophe y explorent le mouvement de la nuit, réinterprétant des improvisations en 11 compositions lumineuses aux accents classiques inspirés par les musiques concrètes et minimalistes. Je referme les guillemets. À mon humble avis, c'est un projet très réussi. Alors, on écoute un enchaînement de créations intitulé A Light et Mondial, c'est tiré de l'album Crépuscule du duo Rêve Sonore. Comme je l'ai mentionné, Rêve sonore est la combinaison de deux artistes et musiciens. Stéphane Christophe, compositeur et musicien, il a collaboré à de nombreux albums diffusés à l'étranger. Il s'est associé à des projets d'ensemble pour soutenir l'activisme citoyen et les organisations communautaires comme Raven, Raven, Raven du Spring Quartet. Tout ça rappelant la bohème militante que j'évoquais tout à l'heure. Cette bohème qui accompagne souvent les artistes de l'impro. Et puis Stéphane anime aussi Free City Radio. C'est diffusé sur de nombreuses radios, dont CKUT FM à Montréal. Quant à Nick Schofield, il est quant à lui un musicien, producteur, directeur technique basé à Gatineau. Il est titulaire d'un bac en études électroacoustiques, très impliqué dans le centre d'artistes SA à Ottawa. Il supervise les aspects techniques des concerts, événements, expos. Nick s'est produit à la Place des Arts pour MUTEC à Montréal et au Centre national des arts à Ottawa. Et évidemment que je passe de nombreux lieux de diffusion. Alors voilà, pour clore l'émission, on écoute un dernier segment de l'album intitulé « Crépuscule » du collectif Rêve sonore, composé de Nick Schofield et de Stephen Christophe. Alors voilà, la pièce s'intitule « Lucidité ». Thank you. Eh bien voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie des artistes Paulina Ozarek, Jérémy Ternois, Ivan Cruz, Peter Horin, Ye Big, John Balludan, Tatsuya Nakatani, Nick Schofield et Stéphane Christophe. Grand merci à toutes et tous de nous avoir permis l'écoute de leur création que vous retrouverez sur les plateformes numériques Tour de bras, Young Bloods et Bandcamp, notamment, je veux dire ça comme ça. Alors voilà, restez des nôtres, c'est Rock Medium qui s'amène dès 22h avec Matthew Johnson. Et pour clore l'émission, poursuivez l'écoute d'une création de Rêve Sonore. Sur ce, je vous donne rendez-vous dimanche prochain 21h pour une autre aventure sonore depuis les studios de CKRL dans le quartier Limoilou à Québec. C'est Gaëtan Gosselin qui vous salue.